égalité, j'essaie de te faire marrer, positif, agapé, tombé sur ton repris, alors là, j'ai gerbé, partout sur le canapé. Lâcher ! Lâcher ! Lâcher ! Lâcher ! Ah!